Vous avez déjà pété dans un aspirateur? Non, parce que c'est, en fait, si on y réfléchit bien, en fait, tu peux je diffuser vachement plus fort. Lance master. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui aimerait bien prendre des vacances. Je suis Grushkov et je serai accompagné de tout mon équipage aujourd'hui, Tuki, yo, Matt, salut, Ximnut, salut tout le monde, Adrien, hello, et Funeli, salut. C'est encore un peu les vacances et grâce à Star Wars, on a encore quelques destinations où vous pourrez potentiellement sortir sans masque. Que vous préfériez vous enjailler, vous poser les doigts de pied en éventail ou goûter aux vacances apprenantes, on a une petite sélection pas piquée des hannetons préparée par tout l'équipage pour vos futures destinations interstellaires. Et comme c'était ton idée, mon cher Ximnut, j'aimerais bien... Ah non, c'était pas ton idée du tout en fait. Ouais, c'était l'idée de Funeli. Il y a un autre génie dans le... Comment, c'était l'idée de qui? Voilà, donc Funeli, quelle est pour toi la meilleure destination de vacances? Bah ouais, non, c'était pas mon idée. C'était Matt le génie dans l'histoire. Je démissionne. La plus. J'ai juste mal lu, en fait c'était ton truc de TripAdvisor, je croyais que c'était ça l'idée. Désolé, c'est fini maintenant. Et du coup, ouais, mais Matt, on peut pas commencer par Matt, c'est ça le problème, parce que il va rien dire, il va faire et puis après il va râler. Vous avez déjà été essayé de péter dans une cheminée? J'ai déjà essayé de péter dans un réacteur interstellaire. C'est fini, vous moquez de moi? Oui, pardon. Toi, Matt, vu que c'est ta grande passion de péter, quelle est pour toi la meilleure destination dans Star Wars pour aller péter en été? Bah, je pensais à la cité des nuages. Je pense que Bespin, ce serait l'idéal. Ok, mais est-ce que t'as pensé, pensé à Mustafar? Genre, si ça se trouve, ça fait des flammes à chaque fois, tu vois. Ouais, mais c'est super dangereux. Tu fais brûler et tout. Enfin, ça fout de mettre une armure noire, c'est compliqué, non? Le problème, c'est que c'est un volcan géant, donc ça sent déjà le soufre, tu vois. Tu peux pas. Ah, c'est vrai que ça passe inaperçu. Personne ne va rien sentir. En fait, tu profites pas. Tu vas peut-être cramer du gars, mais voilà. Tu sens, t'as pas l'odeur, t'as pas tout ça, donc c'est un peu dommage. Voilà, désolé tout le monde, mais il nous parlait de péter dans des endroits incongrus juste en avant. Gros, si vous aimez péter en vacances, ne le faites pas sur Mustafar, c'est déconseillé. C'est pas forcément la bonne idée. Ah, c'était mon petit. Voilà, mais conseil. Pareil, hein, je trouve que la cité des nuages, bon, bah il y a déjà du gaz partout, quoi. Oui, mais tu peux venir mettre un peu ta petite pierre à l'édifice, tu vois. Enfin, c'est... tu peux te dire, tu vois cette étoile là-bas, chérie, bah à côté il y avait Spin et j'ai lâché un pet là-bas. Donc il y a un petit peu de moi là-bas. Il y a un petit peu de toi dans les carburants des croiseurs. Voilà, dans les blasters des Stormtroopers, il y a un peu de mon pet par exemple. Non, c'est un peu la classe. Ouais. Je pense que sur la cité des nuages, il y a des mecs qui te vendent ce truc-là. En fait, c'est un peu comme t'es une attraction touristique et tout. Et le problème, c'est que maintenant j'ai l'image, tu sais, des Stormtroopers qui tirent avec les blasters qui font. Non, mais tu sais, ce truc où on te vend à 30 cm carrés de terrain en Écosse, machin et tout, ils font un peu pareil sur Bespin. Tu peux alors les boîtes. D'accord, mais. Il y a aussi les souvenirs où c'est les boîtes avec de l'air de Tokyo ou de New York. Ben là, pareil. Ouais, alors faut pas se faire avoir par contre, du coup. Parce que tu sais pas. Ah, bah, c'est sûr, c'est pas le tien en fait. Voilà. C'est ça ce que tu veux dire. Pas forcément le tien. Puis oui. Ah mince. Faut se méfier. Faut se méfier. Il y a des truands aussi sur la cité de l'image, hein, mais. Ouais. J'ai fait une petite liste. Et puis pour commencer, je me suis dit voilà que on allait commencer plutôt tranquille, un truc voilà qui à mon avis est plutôt ça devrait plaire à tout le monde, voilà se détendre, la plage, le sable fin, tout ça, éventuellement voilà les TBTT et les Stormtroopers. Mais je me suis dit que pour voilà des bonnes vacances, pour bien en profiter, moi je me suis dit que pour commencer, ça serait pas mal d'aller sur Scarif en fait. Parce que je me souviens déjà, on était tous d'accord quand on a fait l'épisode sur Rogue One, c'était quand même un des plus beaux films visuellement qu'on avait eu des nouveaux films, voilà, depuis que la série avait été relancée. Et quand même, les séquences sur Scarif étaient quand même super bien filmées, et je dois dire que, mis à part les explosions, les morts, voilà, les impériaux, c'était quand même vachement sympa, quand même, comme point, voilà, le côté archipel et tout. Donc voilà, moi, je dirais pas non à ça. Pour commencer tranquillement. Faut juste qu'on se mette d'accord, on y va avant Rogue One ou après Rogue One? Parce que... Bah ouais, après c'est la question. Après, si t'es branché ferraillerie et tout, éventuellement tu peux récupérer des vieux trucs, voilà. Bah, ça peut être sympa. En plus, ça. Les océans, ils ont bouilli, ça a cramé une partie de l'écorce terrestre. Hein, Ah merde. Mm-hmm. Parce que ouais, j'allais dire si ça se trouve, ça aurait détruit qu'un seul endroit et du coup le reste aurait été cool, mais du coup non, c'est un peu. Bah, apparemment, la planète n'a pas été détruite, mais elle a pris salement cher, donc l'écosystème il n'a pas dû apprécier beaucoup. Mais voilà. Donc on va dire pré-installation impériale, évidemment, parce que sinon c'est chaud. Littéralement. Donc après voilà, je sais pas si vous êtes branché plage et tout. Ah non, mais moi je prends, hein, c'est pas de souci. Hein. Alors après il y a un truc que j'ai pas réussi à trouver. Est-ce qu'il y a des bestioles dangereuses sur Scarif? Bonne question. On s'est pas trop attardé dessus, pas suffisamment. Elle a vite été détruite. Enfin, en tout cas, mm-hmm. Ce coin de l'île de la planète a été vite détruit. Je suis pas certain qu'il y ait des bestioles particulièrement connues. Apparemment, ça a l'air sympa parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux et de lézards colorés. Il y a plein d'espèces de poissons. Et par contre, il y a une espèce bizarre qui s'appelle le Blixus. Et ça ressemble à une espèce de grosse sèche, mais avec aussi des pattes et avec une armure. Ah ouais. Mmh. Ok. Bah, tu vois, quelque part, si je fais attention, je serais pas contre d'aller voir ça aussi, parce que pour le coup, ça a l'air cool. Le Blixus. Et ça, c'est écrit que ça a un ancêtre commun avec les Sarlacs et les Rastars. Ah ouais, moins cool, c'est en fait. La bestiole, tu veux pas la croiser quand tu fais ta petite nage, tu vois. Ouais, effectivement, je suis en train de regarder des images. En fait, ce qui arrive, c'est magnifique de l'extérieur, mais une fois que t'as plongé, c'est Subnautica, faut pas descendre, quoi. Bah après, voilà, éventuellement, si t'es courageux et que t'aimes bien les fruits de mer, ça peut faire voilà. Petite salade sympathique. Sinon, pour la bronzette, ça devrait suffire, hein, c'est pas... Voilà, ouais. Pas obligé de plonger et de risquer ta vie non plus. C'est des vacances quand même, je veux dire. Enfin, faut y aller voilà, doucement. Ouais. Non, tout à fait. Voilà, je voulais commencer par un truc plutôt peinard et tout. Voilà. Et donc, faut savoir que le truc a été tourné aux Maldives. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même ces plages, voilà, de sable fin comme ça, immaculé et tout. Donc, ça doit jouer quand même pas mal pour le côté détente du coin. Et toi, Adrien, quel est l'endroit rêvé pour toi pour les vacances? Oh bah moi je dirais qu'il y en a plusieurs, hein. Effectivement, Scarif, c'est sympa, hein, mais moi je cherche le contact humain, ou en tout cas le contact humanoïde. Moi ce qui m'intéresse, c'est le peuple, c'est les populations. Du coup, bah, je me suis dit, on va commencer par Coruscant, hein, au niveau 113, avec voilà, les gens qui font leur vie, avec des petites tavernes, des junkies, des combats de coqs sûrement aussi, mais au moins... On s'amuse, il y a de la vie. Les gens, bon, faut pas les croiser et les regarder dans les yeux. Mais au moins, il y a de la vie. Les gens sont présents. Je me dis, bon, Coruscant pour commencer, c'est sympathique. Je sais que la Normandie, c'est un petit peu calme, mais quand même, là, tu vas fort. Pour les vacances. Tu dirais que le niveau 1313 en plus. Mais ça, c'est vraiment... tu vois typiquement une phrase de campagnard, ça. Moi, j'ai envie d'être le plus proche des gens, moi. Moi, j'ai envie d'être dans ma ville. J'ai envie de voir ce que les gens font. J'ai envie de voir ce que les gens... les activités auxquelles ils participent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, le contact humain, Matt. Le contact humain. Et au niveau 1313, moi je peux te dire. Tu vas finir dépouillé dans une allée. De quoi? Tu vas finir dépouillé au fond d'une allée, oui? Oui, mais ça arrive partout sur Scarif aussi, s'il te plaît. Bon, c'est pas non plus. Non, moi j'aime bien. Moi je suis confiant au niveau 1313. Après, j'avais aussi pensé à aller sur KSL parce qu'est-ce qui paraît, t'as des mines plutôt jolies. mais je sais pas de ce temps-là, je sais pas si ça vaut le coup. Après, il me semble qu'ils ont, ils ont pas mal de marchandises à acheter fait dans les mines et par des gentils travailleurs qui travaillent toute l'année d'ailleurs, ils sont très courageux. Mais trop bien les gens dans la mine, super. Mais oh bah écoute, il faut ce qu'il faut pour construire du pouvoir d'achat, mon petit Grushkov, hein. Il y a des droïdes. Peut-être même qu'ils ont un petit cadre avec l'employé du mois et tout. Oui, ouais, mais moi je connais des Wookiees qui sont vachement contents de bosser là-bas. Celui qui a remonté le plus de Wookiees. Je suis désolé, c'est les lacs acides aussi, voilà, oui, non, c'est, ça donne une couleur sympa. Mais à l'eau. C'est pour ça, ça, nous ça nous paraît, parce qu'on n'est pas habitué, ça nous paraît un petit peu flippant, un petit peu corrosif, enfin littéralement. Mais non, mais c'est cosy, hein, une fois qu'on y est, je pense, ok, ça c'est pas mal. Ouais, j'aime bien l'idée de. J'aime bien Coruscant, parce que. C'est pour le coup là mélange des cultures et tout, voilà. Oui, c'est ça. Mais pas Coruscant le niveau supérieur, hein, ça non, c'est pour les Richoux. Mm-hmm. Moi je parle du vrai niveau 1313 quoi, le en vrai. Coruscant je propose des bâtons, si je vais en vacances c'est pour crever, hein. Non mais oh, tout de suite les grands mots, tout de suite les grands mots, c'est quoi, je pense que là-bas eh ben ils sont très bien. Moi il y a un truc qui doit être assez ouf pour des vacances sur Coruscant, ça va être, à mon avis, ça rejoint un peu un épisode ancien qu'on avait fait, ça va être sur la bouffe. Parce que avec tout la galaxie entière qui se concentre au même endroit, doit quand même y avoir des... Bah déjà, on avait un exemple avec Dexter, même s'il n'était pas quand même tout en bas du... Tout, les niveaux tout en bas, mais moi j'imagine bien quand même, tu vois, les rues grouillantes avec des petits trucs, des petits restos comme ça, où il y a toutes les cultures de la galaxie qui se préparent et qui sont toutes rassemblées au même endroit pour présenter toutes les spécialités et tout. Du coup, ça doit être quand même plutôt sympa là-dessus. Il y a des food trucks. Sympa, mais t'as intérêt à bien savoir ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger par contre, parce que... Ouais. Oui, bah écoute, tu manges et tu verras après, hein. Ah, l'expérience. Oui, non, mais c'est... Oui, l'empirisme, oui, pourquoi pas, éventuellement. Sur Coruscant, ça en serait vrai, logique. En vrai, les niveaux supérieurs de Coruscant, ça fait un petit peu, tu sais, comme quand tu fais des voyages scolaires, genre tu vas visiter le Parlement européen et tout, c'est ça, mais avec le Sénat et tout. Ouais, c'est trop ça. Ah, super, on va au Temple Jedi. Attendez, on n'a pas nettoyé, tu y vas avec ta classe, en fait, il y a plein de cadavres partout, tu sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y avait l'ordre 66 juste dans la nuit. Non, mais alors et que pour vraiment... pour 5 crédits de plus, tu peux avoir l'audio guide. Il y a plein de choses. C'est non, mais alors que vraiment, dans les niveaux inférieurs, notamment le niveau 1313, là-bas, ils donnent tout, ils ont rien. Là-bas, les gens, ils ont rien, ils donnent tout. Ils prennent tout aussi. C'est un voleur en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux tout leur prendre. Alors, l'audio guide, c'est pas Obi-Wan, je me suis trompé, c'est. Comment il s'appelle, la vieille là. C'est Jocasta, bah oui. Ah non, mais moi je parlais, tu sais, du truc, l'espèce de Walkman des années 90, oui, qui te mais file. C'est elle qui l'a enregistré. Ah oui, effectivement, oui. Entre deux séances de gymnastique avec les pompes de cou. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ça doit être plus fun, les niveaux inférieurs, pour ça, voilà. Mais disais quoi, après, quitte à aller à un endroit pas ultra luxueux, moi, je me dis, la petite planète Castillon, c'est parfait pour passer des petites vacances tranquilles. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des courses, il y a de l'océan, tu peux nager tranquille, enfin, voilà, quoi. C'est sûr que moi, ça me va très bien. Avec les courses, l'océan, tu peux pêcher, tu peux... faire quelques trucs, tu peux bronzer, c'est plus, super directement convivial ça, en plus. Bah ouais, c'est un peu comme un petit village en fait. Mm-hmm. Petite ville comme ça, et en plus voilà, il y a régulièrement des courses de vaisseaux. C'est... Et puis il y a un peu de trafic, enfin il y a un peu de trafic, non pas dans ce sens-là, mais il y a un peu de. C'est pittoresque, c'est pas mouvement. Du trafic. Oui, tout non, suite, pas le trafic, non, mais pas le trafic, mais du mouvement, je veux dire, voilà, il y a des nouveaux arrivants, des gens qui s'en vont, il y a des marchandises qui circulent. C'est vivant, il y a un marché quoi. Il y a Bibo. Il y a Bibo. C'est vrai. Alors Bibo, il va rester dans l'eau quand même. Parce que, alors voir pour. Toi qui aimes bien les paix, ça devrait pas trop te gêner. Ou alors pour déjeuner. il pète Bibo ? Non. Il sent mauvais a priori. Ah. Oui, c'est mais vrai. Moins que Cas d'après Nico. Enfin, c'est différent, je pense. Mais c'est vrai que Castillon a un peu un côté bas niveau de Coruscant en plus sympa quand même. Après oui, c'est plus sympa, ouais. Mais pareil que pour Coruscant, faut pas non plus débarquer avec la chemise à fleurs, l'appareil photo en bandoulière et puis le Bermuda, je pense, hein. Faut quand même. Bah pourquoi pas, il y a le marché et tout. Faut s'adapter un petit peu quand même. Et puis t'as soif, tu vas voir Onzi et tu bois gratos. Bah ouais. Gratos. Comme ça, tu payes pas. Après de but, mais tu bois gratos. Donc le mec il vient chez les gens en vacances comme ça, déjà il s'incruste. Il paye pas, il boit à l'œil, il se fait loger. J'irai dormir chez vous en fait. La vraie essence du touriste, le backpacker. C'est parce que vous savez pas vivre plus près du peuple, vous. C'est pour ça. Populaire. Non, mais être près du peuple et puis squatter chez les gens, c'est quand même deux choses différentes. Oh, deux mots. de moi pour une notion finalement relativement assez proche. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a rien. Et toi, Funeli, est-ce que tu avais des destinations que tu trouvais sympas dans l'univers de Star Wars? Moi j'avais pensé à la planète Sorgane. Là, du coup, c'est quand même vachement plus isolé. C'est la planète qui est un peu forestière, avec les crevettes bleues et tout ça, avec les petits villages. Ah oui, dans le Mandalorian. Du coup, c'est vachement mignon. Il y a un petit peu, ambiance. Tu peux faire ton petit camping et tout. La seule question, c'est de savoir s'il y a des moustiques. Mais à part ça. Non, c'est tranquille, c'est pépouce, tu fais tes petites vacances. Je pense que les crevettes, elles mangent les larves de moustiques, donc ça va pouvoir le faire. Eh ouais, c'est possible ça. Puis il y a des grenouilles aussi, qui peuvent aussi manger les moustiques. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut être sympa. Il y a des pirates aussi, hein, pour vous informer. Ouais, mais les pirates, ça rajoute un petit peu de piment, tu vois. Genre, si tu manques un petit peu d'aventure, tu vas latter la gueule des pirates, et puis voilà. Ah, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une sorte de Club Med, en fait. Il y a des activités dans le village. Ouais, voilà, c'est ça. Parfois, c'est des activités surprises, tu vois. Genre, t'es réveillé en plein milieu de la nuit. Mardi, c'est pêche. Mercredi, c'est chasse aux pirates. Chasse aux clatouiniens. Et jeudi, c'est bataille dans le bistrot, attaché avec le premier gars qui arrive et qui veut se battre, quoi. Comme en plus, Kara. En plus, il y a des Lost Cats. Principalement. Il y a des chats. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai. Après ça, il y en a un peu partout. C'est de la chienlit, ce truc. Ça pousse partout. Pardon ? Ouais, ça veut pas dire que c'est mal. Puis les grenouilles comestibles aussi, visiblement. Pour le côté un petit peu retraite, un petit peu isolé, comme ça, il y a une rivière. Ouais, y a voilà, des, c'est ça. Il y a des petits marais. Sinon, après... Quoi. C'est Center Park, un petit peu. Hein. C'est sympa, quoi. C'est dans la forêt, il y a la rivière, il y a des activités. Ça coûte moins cher. Ça coûte après, j'aimerais moins bien... Cher que... J'aimerais bien voir aussi l'architecture mandalorienne. Dans le côté ville, tu vois, l'architecture mandalorienne, je trouve ça vachement beau, tu vois. C'est avec les trucs un peu géométriques, avec du métal et du verre et tout. Et ils mettent aussi un peu des espaces verts. C'est carrément pas la même ambiance, du coup. Ouais, non, mais c'est sûr. En même temps, il faut dire que Mandalore s'est un petit peu fait défoncer toute sa verdure, donc ça repousse petit à petit, mais... Genre, tu vois, c'est si je voulais avoir un truc côté ville, ça serait l'architecture mandalorienne, je kiffe bien. Et si je veux un truc plutôt Cambrousse, Sorgane, c'est sympa. Ouais. Après, ce voilà, Sorgane, c'est des marais, hein, donc niveau moustique, quoi, on est un peu. Oui, mais comme dit, il y a les crevettes pour les bouffer, il y a les grenouilles pour les bouffer, et puis il n'y a pas que des marais, en fait. C'est juste qu'ils ont, eux, ils ont construit des marais, mais t'as les rivières et tout. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une forêt qui est plutôt sympa, parce que déjà, il n'y a pas de saloperie des woke qui traînent partout. Donc c'est un bon point. L'enfoiré. Et au moins les arbres ils sont à dimension humaine quoi. C'est pas et moi j'avais une question sur Mandalore. Non vas-y. Ouais non moi sur Mandalore la végétation toute détruite c'est à cause des guerres mandaloriennes ou c'est eux qui l'ont fait eux-mêmes? C'est les guerres civiles ouais qu'il y a eu surtout sur Mandalore après. Je sais pas s'il y a eu des guerres qui venaient d'autres, genre s'il y a d'autres personnes qui ont attaqué Mandalore ou un truc comme ça. Bah la guerre mandalorienne, ça s'est pas un peu passé sur Mandalore, non? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, je sais même pas si c'est encore canon. Non, parce que enfin, si je crois que les guerres mandaloriennes elles-mêmes sont encore canon, mais ils ont plus fait genre ils ont fait des gros conquérants, tu vois, donc ils ont été choper plein de planètes et ensuite c'est les planètes qui ont été reprises. Mais c'est pas Mandalore elle-même qui a été attaquée en fait. Enfin, après, peut-être que Mandalore a aussi été attaqué dans l'eau, mais c'était pas le truc principal. Mais bon, voilà, du coup, on le voit un peu dans... On le voit pas mal dans Rebels, où, du coup, t'as toute la surface qui est quasiment désertique, sauf les quelques endroits protégés autour des villes, quoi. Et d'ailleurs, la famille de Sabine, ils sont dans la neige, eux. C'est sur Mandalore aussi. Ils sont pas sur Mandalore, ils sont sur Crownest, qui est une planète du système mandalorien. D'accord. Ça a l'air plutôt sympa. Et ouais, pour du coup, il y a des forêts, il y a de la neige et tout. Ça c'est vachement cool aussi dans le style enneigé. Petite retraite. C'est pas de la glace là, c'est vraiment de la neige. Ouais, c'est petite retraite dans la forêt. C'est une montagne enneigée quoi. Enfin, une forêt enneigée plus, non? Ouais, forêt, c'est ça. Montagnarde. Voilà, c'est vacances à la montagne quoi. Ça ferait pas de mal par le temps qu'il fait là en ce moment. Ça ferait du bien. Tu vas faire du ski mais avec un jetpack, tu vois, à la Mandalorienne. Ouais, tu te mets sur des skis avec un jetpack, ouais. Ça peut être rigolo, hein, même ça. Ouais. Même sur une luge. Je repensais juste à Sorgane, on oublie qu'il brasse de la Spotchka là-bas. Rien que pour ça, déjà, ça peut être intéressant de goûter la production locale. Puis d'ailleurs, ils le font à partir des crevettes. Comme par hasard. Ah bah oui, on se refait pas. Hein. Tiens, bah, en parlant d'alcool et d'en profiter à Savarine, c'est que de la plage et ils font leur propre bourbon. Savarine, c'est là où ils vont après le Castle Run avec le. Savarine, ça a l'air sympa, mais après les locaux sont pas très bavards. Ça a quand même l'air d'être un peu la zone. Hein, puis, Non, puis je sais pas, ça a l'air quand même assez venteux. Je veux dire, t'es là, t'es posé pour bronzer, t'as du sable qui vient dans les yeux et tout, c'est un peu la merde. Désolé, hein, ouais, moi la plage de Berck, c'est toute mon enfance. Moi, je vois une plage où il fait moche, je me dis ouais, faut que j'y aille quoi. Bon, c'est les vacances, ça y est. Désolé, hein, il y a Anne et Chewie qui regardent dans le lointain, il y a des nuages de partout par-dessus la mer. Moi, je me dis, oh, c'est pile poil le bon temps pour y aller parce qu'il n'y aura personne à la plage. qu'est-ce qui va dans l'eau sous la pluie? C'est moi, ça. Bah, et moi. Bah, ouais. Et vous bah, et il vous fait 12 degrés, mais au moins, il fait pas plus froid dans l'eau que qu'à l'extérieur. Donc, et vous vous moquez de moi quand je dis que c'est plutôt bien, finalement Coruscant, les bas niveaux, bah bravo. Quand tu vas te baigner dans la Manche en Bretagne et qu'il pleut, t'es content parce que l'eau elle est chaude pour une fois. Bah ouais. Déjà. J'arrive pas à voir où est-ce qu'ils ont filmé Savarine. À Berck. Ah ben, ceci explique cela. Non, par contre, un truc où on sait où ils ont tourné et qui serait. Moi je trouverais ça sympa, mais vraiment juste pour des vacances. C'est Naboo en vrai, hein. Il y a plein de paysages différents. Il y a de la ville à visiter. Il y a des endroits de campagne. Il y a des animaux avec des énormes culs. Enfin, c'est génial. C'était les espèces de poires. Alors, géantes. Juste Savarine, ça a été filmé dans les îles Canaries, sur l'île de Fuerteventura. Ah ouais, non, je... Non. Ça t'avance, hein. Non, ouais, c'est, voilà, autant les Maldives pour Scarif, j'avais une vague idée, autant les Canaries, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble, donc... Bah, ça ressemble à Savarine. C'est jaune, c'est pas très grand, ça fait tuit, tuit, tuit, tuit. Ok, merci pour l'info. Notre limitation, quand même, de Tuki. Ouais, vous allez vous faire concurrence. Ouais, mais par contre, Naboo, j'aime bien. Aussi. Ouais, j'aurais dit Naboo aussi. C'est vrai que ça, c'est une bonne destination. En plus, t'as toute la culture et je crois qu'ils font de la bonne bouffe aussi. Ouais, et puis t'as le côté ville, tu sais, toute jolie là. Et puis t'as aussi le côté campagne, je veux dire, t'as des grosses plaines où ils pouvaient se battre. Alors, ouais, après en ville, faut juste faire attention de pas se retrouver coincé à tourner en carré sur une terrasse, mais à part ça, ça a l'air cool. Ah, mais ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. je sais pas, c'est vraiment l'Italie pour le coup, Naboo. Hein, Ah bah oui. Mm-hmm. Truc de bourgeois, ça. Bande de bourgeois. Si les villes, c'est pas trop ton truc, tu peux aller voir les Gungans aussi. Oui, c'est ça, ou les petits marais. Ah. Mais laissez-les tranquilles, les pauvres, la Vous bande de colons. Vous avez déjà essayé d'imaginer l'odeur que ça va à Gungan, juste pour voir? Pardon? J'ai pas compris. Je me demande l'odeur des Gungans, je me demande à quoi ça ressemble quand tu vas dans son Rotogunga, à l'intérieur, juste. Parce que déjà, si t'as un aquarium avec des grenouilles, déjà, faut vite changer l'eau quand même. Ouais, ça sent la vase un peu. Et t'as déjà essayé de péter dans une bulle ville de chez les Gungans? Ok, je veux bien aller sur la bouche pour essayer ça. Et du coup, t'as quoi d'autre, toi, à proposer, Matt, vu que tu fais le malin? Moi? Tatooine. Oh non. Ah, Tatooine, mais t'es complètement ouf. C'est trop bien. Enfin, c'est trop beau. Enfin, c'est ok. Tu vas en chier toute la journée. La nuit, tu vas avoir un peu froid, mais c'est trop beau. Il y a trop de beaux endroits. Enfin, rien que le coucher de soleil, quoi. Enfin, je sais pas vous. Enfin, je demande que ça, moi. Non, quitte à aller dans une planète désertique, je préfère Lothal, tu vois. C'est partout pareil. Ouais, c'est vrai que c'est plus sympa. Lothal, c'est quand même pas, c'est pas désertique, c'est Pécor, c'est différent, mais. Genre Tatooine, c'est pas du tout Pécor. Bah, Tatooine, non, mais Tatooine, c'est. Les mecs, c'est tellement des Pécor, leurs champs, c'est des champs pour récupérer de l'eau. Les mecs, ils font pousser de l'eau. C'est l'aventure, c'est différent. Lothal, c'est pas l'aventure. Lothal, c'est la Creuse. C'est l'aventure de rien du tout. Tu vas te faire voler ton portefeuille, tu vas revenir en pleurant. Mais c'est ça qui est bien, c'est la vie. La vie existe là-bas, je suis d'accord avec toi, Matt. Non, il faudrait que tu te fasses voler ton portefeuille un jour. Adrien. Mais non, mais ça, c'est... Ça aux gens, ça va pas. Attends, en semaine... Attendez, il y a un truc qui peut éventuellement justifier d'aller sur Tatooine, c'est la course de la Bounta. Ouais, ouais, encore, parce que les courses... se voir une petite course. Ouais, il y en a ailleurs après des courses. Puis oui, bon, voilà, ouais, je veux bien, ouais, mais... En semaine A, on se plaint de la canicule, et ensuite, on dit qu'on veut aller en vacances sur Tatooine. Et puis, je suis désolé, alors... La course, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est la course de Tatooine ? Tu vois les mecs au départ, et puis après, ils se barrent, et t'es obligé de les regarder sur un écran, tu peux même pas regarder, choisir non, ce que c'est tu vrai, vois. En fait. Et en plus, t'es en plein cagnard pendant tout le long. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui regardent le truc, ils ont même pas de l'ombre par-dessus, ils sont en plein soleil. Mm-hmm. C'est nul à chier, Tatooine, c'est de la merde. Mais non, mais la merde de Dune et tout, ça, je sais pas, ça a visité, quoi, ça a voir. Il y a un endroit où tu peux aller sur Tatooine, qui est une vieille maison abandonnée, un peu recouverte de sable. Et si au coucher du soleil, tu dis trois fois Bloody Annie, il y a des jumeaux qui apparaissent, des jumeaux morts. J'aime bien les vacances un peu paranormales. La ferme du militaire hanté. Non, mais par contre, t'as raison, il y a un truc peut-être qu'on peut faire sur Tatooine, c'est en activité touristique, justement, c'est aller chasser le dragon Krayt avec Matrax. Oui. Mais voilà, je voulais y venir. Putain, j'ai oublié Matrax. Tu joues un speeder, tu vas te balader dans la merde de Dune, c'est joli, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça, c'est chaud, c'est sec, c'est insupportable, mais c'est super beau, je trouve. Juste, tu passes pas. Même les Tuskens. Tu passes pas deux semaines. Bah, regarde des photos. Tuskens, ça dépend. Si tu trouves quelqu'un qui peut communiquer, un interprète, machin, tu peux aller au contact. Après, si c'est, Mais tu leur donnes tes jumelles et c'est bon. Mais ça fait pas colon, mais quoi. Les rassemblements de Jawa où t'as plusieurs sandcrawlers comme ça qui s'installent et qui mettent des tentes et tout, il y a des marchés énormes et tout, ça va être super à voir. Tu te fais voler ton portefeuille. Oui, mais c'est ça qui est bien. Tu vas en avoir plusieurs. Tu peux te faire voler plusieurs fois. Adrien, c'est vraiment trop un touriste, tu sais. Moi, je veux aller voir les bonnes gens dans les villes, emmerder les truands, me faire voler mon portefeuille et leur dire merci. Genre, t'as lu... C'est deux fleurs dans Pratchett. C'est le même. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement ça. J'allais lui demander s'il avait lu... Oui, c'est super joli. Mais jamais j'irai dans un endroit comme ça. Déjà, mec, moi, il fait 30 degrés, je suis mort. Pourquoi ils font du commerce, là. C'est juste, c'est la culture de Jawa, c'est l'échange, le partage. Regarde, il est couché de soleil, il y a absolument la brume. Mais ils ont pas de culture, les Jawa. Le racket. Mais tu crois que tu vas t'intégrer, ils vont te voir, ils vont faire, ils vont lui voler son. Mais non, mais j'ai. Tu marchandes avec eux une fois ou deux, ils comprennent et tout, puis ils t'acceptent. T'as les Jawa, ils le regardent, ils font, mais c'est qui ce mec là, il est en train de péter dans un. Dans le centre crawler des Jawa, juste pour trouver un droïde qui ressemble à peu près à un aspirateur. Non, mais je. Il est bizarre, le nouveau. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je l'ai vu, il était en train de péter sur un droïde. Non, mais honnêtement. Vraiment, de vous à moi, qui n'a jamais rêvé d'aller à un concert des Dusty Jawas? À mon avis, ils sont sur Tatooine. Moi, j'ai jamais rêvé ça. Mais s'ils font des concerts, ils sont pas obligés de les faire sur Tatooine. Hein. D'ailleurs, s'ils sont pas cons, ils ont enregistré leurs albums ailleurs, hein, et ils sont jamais revenus sur Tatooine. Maintenant, ils sont sur Coruscant, tranquille. Tatooine, c'est littéralement l'endroit où tout le monde veut se barrer. Je suis désolé, moi je maintiens, Tatooine, c'est tout à fait visitable. Et y a beaucoup de choses super, à voir. Le palais de Jabba, t'y vas, tu vois des orgies et t'as l'autre qui bug sa chanson de merde, là, trop bien. Hein. Tu tombes, tu vois un rancor, super, merci pour la visite. Si tu viens après le film, le palais est abandonné, tu peux le visiter même. Mais t'en sais rien, il avait des enfants, hein, Jabba. Oui, non, mais si tu tu vis en vacances, t'engages des mercenaires, et puis comme ça, tu peux faire un tour. Ah oui, bah c'est des vacances classiques. En plus, tu devrais le connaître, Matt, l'enfant de... de Jabba, parce qu'il s'appelle Rota. Je me fais trop bolosser aujourd'hui, j'en ai marre. Il y a un autre avantage, éventuellement, je dirais, à visiter Tatooine, après, je sais pas trop comment ça marche la religion dans Star Wars, mais pour quelqu'un qui est les protecteurs de la Force et tout, genre d'aller à l'endroit, de voir l'endroit où le supposé élu est né et tout, c'est un genre de pèlerinage, un truc comme ça. Donc éventuellement, ça peut intéresser les gens d'aller voir. Mais il est pas né là en plus, Anakin. Mais il est pas du tout né ici. Il est pas né sur Tatooine. Hein. Ah merde. Ah bon. Mais oui, c'est pour ça qu'il est où alors? Mais on sait pas, mais il est arrivé sur Tatooine quand il avait 2 ans. Bon bah éventuellement, j'en sais rien moi, les gens qui sont religieux, dès qu'ils veulent voir tout ce qui est lié aux origines, donc ils vont voir l'endroit où il a vécu, ils vont voir l'endroit où il a été esclave. Tu veux un désert où il fait pas chaud à crever et en plus il y a une magnifique ville à visiter pour les pèlerinages et machin truc, bah tu vas sur Jeddah. Mais tout est pété. C'est là où il y avait le Burning Man de l'espace là ou Alors, j'allais le dire justement. Jeddah, vraiment. J'ai entendu dire qu'il y avait une ville avec des temples Jedi. Ah non, je vous confonds. Vraiment jolie. Après, vous ferez gaffe quand même parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la ville va peut-être être détruite dans pas longtemps. Mais sinon, je pense que c'est vraiment joli. Et puis, pardon, on se fout de ma gueule avec Tatooine, mais tu m'excuseras, Jeddah, c'est pas moins risqué, hein. C'est aussi dangereux. Mais Tatooine, il fait une chaleur à crever. Mais non, mais ça dépend à quelle heure. Au moins sur Jeddah, il fait froid. Mais ça dépend à quelle heure tu vas. Enfin, tu sors sur Tatooine, ça dépend à quelle heure. Oui, tu y vas que de nuit, tu vois personne à part les moustiques et tu te fais voler ton portefeuille. Oh, mais non, mais. Il part des Jawas. Alors, eux, ils veulent aller sur Naboo, voilà, boire du vin. Ouais, c'est ça. C'est la journée à bouffer en terrasse au bord du lac. Manger des poires. Hein. Manger des poires, voilà. Faire des randonnées faire sur des roulades dans l'herbe. Des roulades dans l'herbe, putain. Et après, ça vient juger nos idées de vacances. Et bah, pour des gens qui n'ont pas de vacances, Naboo, c'est un bon début, désolé. Disons que tu prends moins de risques, voilà, si tu vas sur. Il y a plus de chances que ça se passe bien. Félucia, j'aimerais bien visiter aussi. On l'a pas assez vu. Pour le coup, niveau mortel et. Ouais, et c'est un peu l'Australie, ça. Oui, mais c'est joli. Mais juste pour terminer vite fait sur les planètes désertiques, moi, à la limite, un bon compromis, ce serait d'aller sur Passana pour aller au Burning Man, là, de la fête des ancêtres qu'on voit dans le dernier épisode. Mais fais gaffe, c'est que tous les 42 ans. Bah, il faut bien. Faut demander des vacances 42 ans à l'avance, mais si tu calcules bien, ça peut passer. Et faut pas que ton vol soit annulé parce qu'il y a, faut pas que ton vol soit annulé à cause d'une pandémie surprise aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Sinon tu l'as. Mais ça avait l'air fun quand même, voilà. C'était peut-être l'un des rares moments plaisants du film. Mais en plus, faut faire gaffe parce que là-bas aussi, il y a les. Pas la peine, hein. C'est chaud et humide. En gros, c'est une aisselle géante, même pas Jeddah. Quoi. En plus, c'est les champignons, non merci. Quoi. Ouais, Félicia, je suis moins pour, hein, franchement. Bah, disons quoi, niveau risque. Ouais, je sais pas, une planète où il y a des plantes, quoi. Ouais, mais ça, c'est Félicia, c'est l'Amazonie à l'échelle d'une planète entière. Ça, c'est avec les insectes qui font la même taille. Il y a la planète Xun. La planète Xun, c'est un peu une monarchie, je crois, mais bon. C'est une monarchie pas non plus si terrible que ça. Non, mais déjà, bon, les villes ont l'air d'avoir une gueule plutôt sympa, et puis c'est pareil, c'est vachement forestier, il y a un peu de la jungle et tout. Quelle planète est-ce La planète Xun, ça s'écrit D-X-U-N. Choix prononcé. Ah, mais ça, c'est dans les jeux, ça. Bah non, on la voit aussi dans The Clone Wars. Il y a tout un plot avec un gars qui essaye de faire un coup d'état et tout. Ah oui, d'accord. Le truc, ça s'appelle la lune des ronds, ça donne trop envie. Ah non, c'est pas. Ah oui, non, c'est sur Onderon. C'est sur Onderon, c'est parce que Xun, c'est la lune d'Onderon, en fait. Du coup, j'ai confondu avec Onderon, ouais. Ouais, bon, bah Onderon, c'est pas là, d'ailleurs, où il y a. Où a commencé. Saw Gerrera, d'ailleurs. Si, c'est sa planète. Et toi, Grushkov, tu vas aller où à part Naboo? Exegol, bien évidemment. Putain, j'allais le dire, pourquoi tu me piques tous mes trucs? C'est pas pour faire du sexe. J'allais sur Sexegol. Bah non, Sexegol. Mais voilà, mais si on reste dans les planètes où c'est sympa et c'est tranquille, et ben tu vas sur Actu, dans le petit village. En plus, t'as les petites nonnes qui s'occupent de toi. Ouais, mais je suis sur la tu peux prendre tes petites balades. En plus, il pleut tout le temps, donc c'est idéal. Et vos chambres d'hôtes, ouais, c'est pas la Bretagne, quoi. Ouais, voilà. Ouais, franchement, ouais, rien pour chambre d'hôte en Irlande, quoi. C'était tourné en Irlande, je crois. Oui. Voilà. Ah, et Adrien est content parce qu'il y a le contact avec le peuple. Moi, je valide là, ouais. Franchement, chambre d'hôte en Irlande, c'est plutôt sympa. En plus, t'as des petites ruines, t'as des trucs comme ça. Tu manges du poisson. T'y vas pas pour genre 2 semaines, mais t'as ce qu'il faut quand même là-bas. En plus, il y a des pierres. Il y a un X-Wing aussi sous l'eau. Enfin, il y avait. Ouais, c'est une activité locale. ils te font plonger et tout. Non, l'activité locale, c'est un concours. C'est un concours, tu sais, genre celui qui arrive à sortir le X-Wing de l'eau, il gagne un jambon ou un truc comme ça, tu vois. Celui qui arrive à voler avec un aileron en moins, il gagne le jambon. Et sur Actu, en fait, parce que c'est principalement des petites îles ou il y a des gros continents Moi, je pense pas qu'il y ait des gros continents. Okay. D'ailleurs, ils en parlent pas vraiment. Enfin, ils en parlent dans une des scènes coupées, mais les nonnes, c'est toutes les femelles, machin, truc et tout. Mais les mâles, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, pendant plusieurs semaines, voire un mois, je crois. Pendant un mois, ils vont en mer et ils pêchent des animaux dans le truc. Alors, tu vois, tu sais que si tu veux faire un petit tour en bateau, bah, t'as ce qu'il faut, quoi. Où est-ce qu'ils stockent tout ce qu'ils pêchent pendant un mois? Où est-ce qu'ils le stockent dans leur petit bateau? Mais ouais, ils ont plusieurs bateaux. Ils ont des espèces de gros, comme pour la vraie pêche, ils ont des espèces de gros, C'est des glacières. Ouais, c'est de la sacrée glacière, mais quand même, ouais. Puis tu sais pas combien. Ou alors de temps ils ont peut-être reste, des bateaux usines qui font les conserves directement sur place. Non mais ça existe pour de vrai ça. Oui non mais. Disons que je les voyais plus low tech pour ma part. Pas faux. Les préjugés tout de suite. Bah quand même, ils sont pas. Enfin, je veux dire, les chambres d'hôtes, elles sont sympas, mais c'est pas non plus. T'as pas le wifi, je pense. Hein. Genre même pour bouger les trucs, ils ont des vieilles brouettes, ils ont pas des trucs qui soulèvent les trucs tout seuls, voilà. Bah, ils ont de la force. Ils se font bolosser leurs brouettes par les autres justement. Ouais. Non, moi, par contre, dans les trucs low-tech et tout, on en a parlé vite fait, moi, je serais bien branché vacances sur Kashyyyk. Ça serait sympa, je pense, quand même. Parce qu'on, à mon avis, on posait la question, c'est quoi les vacances entre tradition et modernité? Moi, je vois bien Kashyyyk comme candidat. Ouais, je sais pas. Enfin, un village Wookiee encore, ouais, mais alors, par contre, attention, tu vas pas n'importe où là-bas. Hein. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Tu vas pas dans les terres d'ombre. Tu peux demander à Cal. J'imagine, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'imagine que si tu vas dans une destination un peu tropicale ici, tu vas pas n'importe où sans que les mecs te disent, fais gaffe à ci ou ça. Donc c'est vrai que oui, moi je pense que voilà, je reste dans le Club Med là encore. J'attends qu'il y ait un gentil Wookiee qui me propose d'aller visiter l'extérieur. Et puis tu sais que là où il y a eu une bataille, il y a la plage et tout. C'est comme en Normandie, faut faire gaffe. Tu peux y aller, mais il doit y avoir des mines encore dans le sable et tout. Mais ah ouais, les obus ont explosé et tout. Ouais. Non mais vraiment, Kashyyyk, c'est l'Australie mélangée à la plage du débarquement quoi. C'est vraiment. Si t'arrives à survivre à la plage aux bombes qui restent, fais gaffe parce que t'as des araignées géantes à côté. Il y a juste moins de désert. Faut juste pas avoir le vertige, quoi. Quand je vois où les baraques sont accrochées. Ouais, c'est clair. Ouais, le retour des arbres. T'es un peu pinté, tu sors pour pisser, t'as une fête tombée, donc c'est dangereux. Enfin. Ouais, moi, clairement, j'irai jamais. Pisser du haut d'une baraque de Wookiee dans la forêt, ça peut être rigolo. Évidemment. Faut juste faire gaffe de pas pisser sur une araignée. Et péter dans la forêt des Wookiees, tu savais que c'était passible de mort. Merde. Ah, merde. Bon, tant pis. Ouais. Et puis il y a un autre truc sympa que j'avais vu, je sais plus, je crois que c'est dans un comics. Ils ont des espèces de grandes fresques taillées dans les arbres Woshir pour les grandes figures du peuple Wookiee. Et ça, j'aimerais bien savoir ça pour de vrai. C'est un genre de comment on appelle ça là, le truc aux États-Unis là dans la montagne, mais pas colonisateur en fait, c'est eux qui l'ont fait eux-mêmes. Ah oui, c'est le Mont Rushmore. Oui, voilà, c'est un Mont Rushmore, mais pas fait par les colonisateurs. Donc ça, j'aimerais bien voir ça de moi-même. Ouais. Et puis voilà, franchement, je sais pas, non. C'est pour peu qu'on les laisse gagner, les Wookiees ont l'air vachement sympas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Faut juste pas. Genre faut pas essayer, malin, ouais, c'est ça, faut pas faire le malin faire quand tu veux acheter un truc à la boutique de souvenirs, faut pas trop négocier, tu vois. ça a bien l'air de un peu ce côté. Faut pas faire comme Adrien. Hein. Non, ils ont bien ce côté un peu, tu vois, tu t'es un peu dans la cambrousse et t'as d'un côté t'as le touriste qui commence à raconter la vie aux paysans du coin et voilà qui va vite il va pas faire long feu et puis t'as t'as l'autre type de touriste qui écoute un peu ce que les gens ont à dire, et s'ils voient que voilà, tu fais un peu attention à ce que tu racontes, éventuellement ils vont te montrer les coins vraiment sympas. Par contre, en vrai ce serait invivable. Je veux dire, moi j'ai fait le niveau sur Kashyyyk dans KOTOR, mais je vous assure qu'au bout d'un moment j'en avais vraiment plein de cul de les écouter parler. Genre, ils discutent, c'est sympa. Mais le truc, c'est qu'ils font que de beugler tout le temps. Ils sont très gentils, mais vraiment, en jouant au jeu, j'en avais marre, quoi. Je voulais juste qu'ils fassent un gros gueule, j'en peux plus. Articule, putain. Donc, ouais, ça peut être un problème. Surtout que, voilà, ils doivent hurler aussi la nuit. Alors, t'imagines quand ils font des activités pendant lesquelles ils devraient hurler. Ça se trouve, ils parlent pendant... Ça se trouve, ils inversent tout, en fait. Ils buglent à la place de parler et ils parlent à la place de bugler. La nuit, ils sont comme ça. Oh, oui, j'adore ça. Terrifiant. dans ton oreille. Encore. Je me sens tout bizarre, là, tout d'un coup. Plus loin. Stop. Ça suffit, la ASMR Wookie. Mais, je trouve qu'on s'est pas beaucoup baigné jusqu'à présent, hein, franchement, hein, par contre. Ouais. Bah, entre les... Scarif et puis... Moncala, ça serait pas une bonne idée, enfin... Bah, si tu peux... Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ouais. C'est trop aquatique. Il y a de la flotte. Non, pas que. Il y a pas que de la flotte, hein, il y a des plateformes. Camino aussi. Il y a de la flotte. Il pleut. Ouais, mais Camino, c'est... Ouais, c'est de la flotte. Voilà, le problème, c'est qu'il pleut. Alors, tu vois, Camino, il pleut, mais c'est nul à chier. Bah, ça dépend. Enfin, si t'aimes bien la Bretagne, je pense que Camino, ça passe, quoi. Non, bah non, parce qu'il y a pas les paysages. Le problème, c'est que tu vas passer tes 2 semaines au même endroit, il va pleuvoir tous les jours, tu pourras pas sortir. Puis surtout, tous les bâtiments sont blancs lumineux, là, ça te nique la rétine, là, tu vois, tu vas finir aveugle. Bah, déjà, dehors, il fait un temps, t'as l'impression qu'il est, 18h à Dunkerque, un soir d'orage, et puis tu rentres à l'intérieur, c'est blanc lumineux. Puis même, t'imagines, t'es fumeur, tu sors sur la plateforme dehors pour allumer ta clope, t'es trempé de machin. Ça passe pas. Non, Camino, c'est naze. Non, c'est fonctionnel, mais c'est pas fait pour visiter. C'est joli en carte postale, quoi, c'est tout. Bah, super, ils doivent s'amuser pendant leur RTT, là, les cloneurs. Bah, c'est pas pour rien qu'ils faisaient que. Non, mais ils font un crampto bike. Clones aussi, hein, rien d'autre à foutre. Camino, c'est un peu, tu sais, les vacances de nerd, comme quand tu vas, au musée de l'espace et aux trucs comme ça, tu vois. C'est genre, tu vas juste visiter les trucs de clonage et puis après, c'est bon, quoi. Alors que Moncala, c'est un peu plus tropical, comme. C'est plus tempéré, ça reste de la flotte partout, mais. Non, mais pas partout, parce qu'il y a des plateformes et tout. Bonjour, hein. L'odeur. Parce que dans le comics, c'était, je crois... Ouais, Vador. C'est vrai, ils ont des... Ouais, ils ont des plateformes. Parce qu'il y a Rey qui se bat avec un golem. Ben, ils avaient des plateformes. Mais après, je me dis, vu qu'ils construisent des gros croiseurs, notamment de croisière, il y a moyen de se faire un petit truc sympa, je pense. Une croisière sympathique au-dessus de Moncala, il y a tout qu'à voir. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, si t'aimes bien, si t'es branché, je sais pas, moi, ingénierie, truc comme ça, c'est comme visiter Toulon, voilà. Ou pêche. Ouais, visiter des gros vaisseaux. Si t'aimes la pêche et l'ingénierie, t'as Toulon ou Moncala. Et toi, tu n'as pas proposé grand chose depuis le début. Cato Nemoidia, ça a l'air sympa. Cato Nemoidia? On y va pas beaucoup. Ouais. Alors, bah, pourquoi pas? Ouais, c'est une... des riches. Hein. Attends, faut que je revienne. C'est pas eux qui ont des anneaux en or, là, gigantesques. Oui, voilà, ouais, oui, c'est des, ça, c'est ce qui me semblait. Des trucs suspendus entre des... Ah oui, non, ça a de la gueule, hein, c'est sûr, avec toute la thune qu'ils ont volée à la galaxie, il y a moyen de faire des trucs sympas, hein. C'est clair. C'est ça. Ouais, en fait, c'est le Luxembourg. Tiens, mais en parlant de ça, Canto Bight. Oh non. Canto Bight, ça branche personne, hein, je suis sûr. En parlant de trucs de droite. Ouais, c'est ça. Genre, qui envie d'aller passer ses vacances en Croatie, quoi. Oh, ouais, non, mais c'est plus... La Croatie, éventuellement, mais... C'est plus Monte Carlo, dans l'esprit, en tout cas. Je sais que c'était filmé en Croatie, mais dans l'esprit, on est plus à Monaco, quoi. Ouais. Avec les yachts, avec les casinos. Moi, j'aimerais bien y aller, mais le problème, c'est que je passerai ma semaine de vacances à taguer des conneries sur les voitures, enfin, sur les speeders, sur les murs, casser les vitrines... Ils crèvent les pneus des speeders, mais ils ont pas de pneus. À péter dans les pots d'échappement. Ah bah oui, je pète dans l'aération des speeders, comme ça... Le problème, c'est que je passerai ma semaine à faire que des conneries. En fait. Pète dans les machines à sous. Saboter les yachts flottants. Enfin, Faut voir que ça peut être des vacances enrichissantes. Tu peux apprendre des trucs sur le terrain. Non, mais c'est pas enrichissant, non. C'est plutôt c'est l'inverse. Imposant. Non mais ça te pique ton fric. Bah, si on peut chourer au passage quelques trucs. Hein. Tu vas finir en taule. Hein. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, les riches. Et Kijimi, ça peut être sympa aussi. Qui c'est Kijimi? Ah, ça me dit rien. Ça. On a déjà parlé vite fait d'une planète où c'était genre les bronzés font du ski, et celle-là, c'est un peu pareil. Okay. Hein. Ouais, ça complique vachement les vacances. C'est comme Alderaan. Ouais, Alderaan, c'est vachement joli et tout. C'est beau. Ça aurait été cool, Alderaan. Enfin, pour ceux qui aiment le pinard, par exemple, ça aurait été ouais. Parfait. Il n'y a que toi comme le pinard. Quand vous partez en vacances, Obi-Wan, il nous l'a bien montré. Hein. Pensez à mettre à jour votre GPS. Si votre GPS monte encore des trucs qui n'existent plus, voilà. Enfin, faites pas la même erreur que en lui. En fait, Alderaan, c'est Bordeaux, quoi. Mais en taille planète. Avec les bobos et tout, tu vois. Je dirais que c'est plutôt la Savoie, hein. Ou la Suisse. Puis en plus, sur Alderaan, il n'y a pas toutes les grandes familles qui ont leur espèce de forteresse chacun. Si. Côté Game of Thrones et tout. Ouais, mais c'est pour ça, ça me faisait penser à Bordeaux, parce que tu vois, c'est les domaines de vin, tu vois, qui se font la guerre un peu. Ah, ok, là je vois. Ok, ouais. D'accord. Éventuellement, s'il y a des trucs sympas à visiter, moi je suis pas contre visiter un peu des trucs un peu anciens, des ruines comme ça, voilà. Ouais. Et donc moi, autant voilà, j'avais pas pensé à Alderaan, mais moi dans la liste j'avais mis éventuellement Corriban, les ruines Sith et tout. Alors le seul problème, c'est qu'il y a toujours risque de se faire posséder par un esprit millénaire d'un seigneur Sith. Alors ça peut être chiant. Oh, c'est chiant. Si vous avez des recommandations ça. C'est comme Malachor, c'est risqué aussi. Ouais. Hein, c'est à quoi tomber dans des ruines avec de la cendre partout. Ça donne envie, Malachor, mais ouais. Malachor, elle a un petit côté tous les Anor Lando, là, les espèces de grands châteaux ouais. de Dark Souls. Ah, ça s'appelle comment les jeux? Oui, voilà. Voilà les trucs interminables, labyrinthiques. Ça a l'air quand même vachement stylé. Mais il y a encore les esprits, le problème des esprits de Seigneur Sith, donc c'est chaud ça. Mais ça c'est qu'un détail ça. Ça reste une drôle de conception des vacances. Hein. Bah c'est une version extrême un peu, tu vois, de visiter, je sais pas moi, je sais pas, c'est un peu Pompéi mais en version extrême, tu vois. Si tu veux un truc où il y a vraiment que de la verdure et est isolé du monde, t'as Koh Dana aussi. T'as Koh Dana, ça peut être sympa. Ah ouais. Pour le ouais, coup, ouais. C'est des cool, lacs, ça, ouais. c'est de la forêt. Bah c'est un peu comme bête avec les crevettes là pour le coup. Hein. C'est de la forêt, ouais, c'est un parc quoi. C'est de la forêt, mm-hmm. T'as des rivières. Sauf qu'il y a un super. Mais quand même là le. Pas mal ça aussi. Le coin de Maskanata là, quand même, ça a l'air cool quand même. J'avoue le château et tout, c'est belle place. C'est pareil, il faut venir avant qu'il soit démoli, mais ouais. Ouais. Mmh. Sinon, si tu veux visiter des ruines, mais où tu risques pas de te faire posséder, il y a Titon. Bah, il y a les trucs Jedi, quoi. Il y a Yavin aussi, avec leur grosse. Yavin 4, mais je sais pas si c'est ouais, sur canon les temples hantés. Ah, bah, ouais. Si. Alors, il n'y a pas que ça, c'est qu'en plus, non seulement il y a ça, mais maintenant ils y ont rajouté des habitations et tout. D'ailleurs, Po, il y a vécu toute sa vie à Yavin 4. Ah, donc maintenant c'est quoi ouais, c'est colonisé, enfin c'est habité. Ils ont gentrifié. Mais il y a les, il y a toujours ils les temples. Ils ont gentrifié Yavin. mais les temples, du coup, les temples Massassi où s'est installée la rébellion et tout, c'est visitable et tout, enfin. Bah ouais, carrément. Ouais, bah ça peut faire un... C'est un peu comme si t'allais, je sais pas, voir le mur de l'Atlantique et les bunkers allemands, tout ça. Non, je vois, je vois. Il y a des gens qui s'appassionnent, bon, c'est des fachos, mais autrement... On parle beaucoup de la Normandie, hein, je trouve. Comment les temples, là, c'est bon. Comme quoi, la Normandie, c'est peut-être pas une si mauvaise destination de vacances que ça. Bah, hein. On n'arrive pas d'en parler. Ah, vous voyez? Ouais, si c'est pour se partir ce mec, c'est pas la peine. Hein. Je suis bien où je suis. Oui, bon, faut y aller à une période, faut y aller hors saison quand il est pas là. Oui, hein. quand il travaille. Et qu'est-ce que vous pensez d'un endroit qui mélangerait, ruines millénaires et retraite religieuse sur Dathomir? Ah, il y a des zombies. Ouais, c'est vrai que maintenant il y a des zombies. Là, pour le coup, tu peux vraiment te faire posséder aussi. Mais si on passe outre les zombies, non? Et les araignées géantes aussi, ça... Il y a tout le reste. Moi, j'aime les bien. Sorcières Sith. J'aime bien les araignées géantes, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. Les araignées qui te crèvent de l'acide dessus, genre, tu sais, même de loin, elles sont dangereuses. Et il y a l'anneau... Je sais plus comment il s'appelle, l'anneau... Kefren? L'anneau de Kefren. Ouais, mais alors là-bas, c'est plus un gros marché. Bah ouais, mais si tu veux éviter de te paumer dans sur Coruscant, tu peux aller là. En plus, c'est sympa. C'est vrai. C'est un truc sur Dathomir aussi ou c'est un truc complètement différent? Non, l'anneau de Kefren, c'est dans Rogue One. C'est la station qui est entre deux astéroïdes. Il y a une partie à l'envers, une partie. Voilà, dans le genre, ça, stylé, dans le genre marché un peu chelou. Il y a peu, c'est pas une fin. C'est... Après, vous critiquez Tatooine derrière. Bah, c'est parce que vous aimez ça que je propose, hein. Ouais, ouais. Mais Dathomir, mais jamais de la vie. Genre, c'est Dathomir, c'est trop long. Enfin, quand on parlait de l'Australie, ben pour le coup, Dathomir, c'est l'Australie de Star Wars. Mais sans le climat beau, quoi. Bah, le climat en Australie, je suis désolé, mais c'est principalement désertique. Hein. Oui, mais au moins. Non, mais je disais ça comme ça. Je n'étais pas convaincu moi-même. Par contre, ce qui peut être alors joli, mais après, je sais pas, mais Utapao, voilà. Pour un petit trip de. Je l'ai dit tout à l'heure, mais personne n'a remarqué. Ouais, là aussi, l'architecture, elle est marrante. Et il y a des bestioles aussi qui ont l'air sympa. Disons, pour faire des jolies photos et puis quelques rondos, ça peut être sympa, Utapao. Bah, en même temps, tu parlais de Kashyyyk en disant, ouais, faites gaffe de voir où péter la gueule. Utapao, c'est un peu le. Ouais, mais les lézards qui font des bruits chelous, là, ils cuisent pas, eux. Hein. Tu peux faire des balades, les balades à dos de lézard, là. Vous voulez dire ceux qui font. Voilà. Ouais. Merci. Ah, c'est moins bien fait. J'ai pas osé le tenter, mais tu tiens quand même le truc, t'inquiète pas. Et personne veut aller faire du ski, là, enfin. Bah, là où il y a Sabine, enfin, la famille de Sabine, du coup. Et Tuki avait dit qui? Jimmy, je crois, ou c'était. Ouais, j'avais dit qui Jimmy aussi. Moi, je pensais plus à Vandor One. Enfin, Vandor. Vandor? C'est la planète. Vandor? Oui, dans Solo, avec le convoi, le convoi impérial, et puis surtout le. Ah ouais, il a l'air d'avoir rien. Non? Mais pour le coup, là, il y a des montagnes parce que Kijimi, je sais. Si Kijimi, c'est une ville comme sur des marches en montagne. Ok, ok. Il y a des montagnes plus, d'étrains, quoi. Je connais quelqu'un qui nous écoute qui va peut-être bien aller cette planète. Non, et en plus tu peux aller voir un vin chaud là dans le magnifique Making Bar. Il est superbe ce bar. Il me bute. Hein, ils ont fait un travail de ouf là-dessus, mais. Rien qu'aller boire un coup là-dedans, ça serait ouf. Tu peux aller jouer au sabacc aussi, assister à des combats de droïdes. Enfin. Voilà, si tu veux des vacances folkloriques à la montagne, les trucs qui font plaisir. Tu peux picoler, tu peux voir des combats de droïdes, enfin, et tout ce qu'il faut. Par contre, vraiment, faites gaffe, parce que les pistes, elles sont même pas noires, quoi. C'est vraiment un délire au-dessus. Oui, c'est les pistes c'est des Vantablack. Ouais. C'est vraiment violent, quoi, le ski. Faites gaffe. Privilégiez plutôt le snowboard, ça. Non, mais sinon, comme je proposais, le ski mandalorien avec le jetpack. Si tu commences à te péter la gueule, tu peux. Du coup, avec le jetpack, mais sans les skis. Ah, mais non. J'adore les versions mandaloriennes de tout, en fait. Faut juste se méfier des Cloud Riders, bon, s'ils sont là. Oh, moi, j'aime bien. Bah, non, tu les rejoins. Si tu viens pas voler des trucs, ils te font pas chier, effectivement. Mais ils peuvent te piquer ton portefeuille aussi, eux. Pour financer la cause. Bah, ouais. Bah, tu leur donnes. Damned, j'avais pas dire pensé la cause est bonne. Oui, certes, tu leur donnes, mais après, t'es coincé sur place. Donc. Faut négocier, c'est pas évident. Tu caches quelques billets dans l'aspirateur, toi seul sauras où les trouver. Alors, moi, j'ai encore quelques destinations hein, de rêve, encore une fois. Je pensais à Atollon, à la planète où il y a Bendu, dans Star Wars Rebels, parce que voilà. Des araignées. De quoi? Il y a des araignées géantes. Oui, mais encore une fois. Il y a des énormes saloperies, là, hors de question d'y aller. Non, mais au moins, t'as dépaysé, tu vois, t'as de la météo qui essaie de te buter tous les quarts d'heure, mais, écoute, au moins, c'est... C'est un détail. C'est dépaysant, moi, j'aime bien. Après, si vraiment, vous jouez les fines bouches, tu peux faire, tu sais, le truc, les chasses aux tornades. Oh, mais Braca, c'est dégueulasse, alors, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais Braca, encore une fois, Braca, on voit que le côté... ordures, déchetterie et tout ça. Oui, d'accord. Bah ouais, c'est le principal truc. Non, mais oui, d'accord. Encore un détail, tu l'as très bien dit, mon petit Zemus. Mais non, mais Braca, c'est aussi ses cultures. C'est aussi voir des vaisseaux géants qui arrivent. C'est aussi écouter de la musique de Balandrin. C'est aussi... Non, mais c'est tout un monde. Mais ça se trouve, c'est vraiment juste une poubelle géante. Hein, la mais c'est juste une poubelle géante. Tout de suite, des grands mots, poubelle géante, tout ça. Non, mais après, t'as Vogano dans ce cas-là, si tu pars sur Fallen Order. Non, mais... Ouais. Des fois... Déjà, là, c'est beaucoup plus joli. Des fois, sur Braca, vous avez quand même des inquisiteurs qui viennent dire bonjour. Donc ça, c'est quand même vraiment stylé. C'est pas le cas de toutes les planètes. Donc vraiment, vous pouvez pas être contre ça. Et puis voilà, non, c'est sympa, il fait beau des fois un peu moins beau quand même, mais c'est quand même sympa. Et si vraiment, là, vous voulez du spectacle, ça va vous plaire. Je pensais également à Geonosis, hein, dans l'arène ou autour, d'ailleurs. Ah. Au moins, voilà, là, il y a de l'action, parce que vous êtes bien mignons, là, avec vos Acto et vos Naboo pour la tranquillité. Mais sur Geonosis, au moins, on s'emmerde pas. Hein. Si vous vous embêtez, eh ben, vous allez dans l'arène. Ouais. Vous regardez ce qui se passe dans l'arène. Au moins, il y a de l'action. Mais genre, Geonosis, il n'y a pas les résidus de gaz toxique qu'avait mis l'Empire qui fait que t'as des problèmes pulmonaires après quand tu reviens? Si, mais ça, il y en a partout, si. Ça. Ils vous disent pas chez toi. Non, mais alors, je suis désolé, tu dis, qu'on s'emmerde si on va dans les autres destinations. Je vais te dire que peu importe où tu vas, si tu es bien accompagné, tu ne t'emmerderas jamais. Oh, c'est beau. Sauf sur la plage de Berck. Tiens, ouais. Si tu peux aller sur la plage de Berck, si t'as de quoi t'amuser, eh ben, t'as ce qu'il faut. Moi, j'aimerais bien visiter le château de Vador, mais c'est genre sur Mustafar, donc c'est mort. Ouais, alors que vraiment, Geonosis, eh ben, t'as des bêtes. Il fait trop chaud aussi. T'as des Mudhorn. T'as des espèces de bâtiments tout en rond qui sont immenses. Non, c'est sympa, moi j'aime bien. Et puis c'est pareil, c'est une culture différente, certes, mais il faut quand même. Non, il y a plus personne, ils ont tous été décimés. Il y a plus de culture là-bas, il y a plus personne. Oui, mais c'est les rumeurs, ça c'est pas vrai. Mais par rapport au château de Vador, on n'avait pas dit dans un épisode précédent que la planète elle était en train de se revitaliser. Donc, bah, c'est pour ça qu'il a mis la clim, genre, ça. Dans combien de temps ce sera remis et qu'il y aura plus de lave partout. Bah, faut être patient. Ça aurait été bien s'il nous avait montré un peu l'état du truc, mais on voit que la forêt, on voit pas du tout le château et dans quel état il est. Mais vu que la forêt dans laquelle ils se battent au début, il est censé être juste à côté du château et que on a bien vu dans Rogue One à quoi ça ressemblait, ça a l'air de d'évoluer assez vite quand même. Ah du coup, ouais. Le château de Vador, moi quelques dizaines d'années, ouais, c'est impressionnant. La vie trouve toujours un chemin, qu'est-ce que tu veux. Généralement, c'est par le trou de l'aspirateur. Alors moi j'avais aussi éventuellement des dernières petites suggestions. Alors moi voilà, en vacances, j'aime bien me détendre. J'aime bien voilà découvrir des nouveaux trucs et puis j'aime bien aussi discuter avec des entités supérieures. Et donc alors je triche un peu, c'est un truc qui date vraiment de l'univers Legends l'endroit existe encore mais tout le délire justement est pas reparu, c'est la planète Zonama Sekot. Qui est une planète vivante en fait. C'était un truc qui était apparemment Oui, vas-y. Apparu à l'époque des Yuuzhan Vong. Ouais. Donc c'est la planète Zonama et elle est habitée par l'esprit d'une créature qui s'appelle Sekot, qui peut réagir, qui peut empêcher les gens de rentrer ou de sortir. Donc c'est bien déjà si t'es autorisé à rentrer, il y a un petit côté select et tout, voilà, t'es content. Et puis en plus, si t'es dans un coin de la galaxie un peu naze, la planète a une sorte de générateur hyperdrive intégré, ce qui fait qu'elle peut se déplacer en fait. Tu peux aller dans un autre coin de la galaxie. Quand je disais que c'était complètement rincé les Yuuzhan Vong, hein, je mentais pas. Hein. Ouais, non, c'était bien cette époque où voilà, on n'aurait plus rien à foutre des concepts pétés, des sites qui absorbaient la vie des planètes. Elle est intelligente et elle a aussi un hyper drive. Puis c'est autre. Enfin, c'est... Ouais. Mais elle a un gros zizi. Ah bah ça, sacré zizi, on va dire. Mais voilà, mais et puis en plus donc ça a l'air d'être c'est une planète qui a un look plutôt sympa avec une partie, la moitié je crois à peu près est recouverte de forêt et l'autre moitié est complètement recouverte de nuages. Alors j'ai aucune idée si c'est cette partie poils. Justement qui... Elle a quelques petits poils aussi par-ci par-là. Et sous les nuages, il y a peut-être de la forêt aussi. Ah, attendez, vous parlez tous en même temps là. Qu'est-ce que tu disais, Matt ? Sous les nuages, il y a peut-être de la forêt aussi, on sait pas. Enfin... Ben, en fait, je sais pas si le côté qui est sous les nuages, c'est l'endroit où il y a le générateur hyperdrive planétaire. Donc, si ça se trouve, je sais pas, ouais. Mais donc, voilà, ils ont apparemment aussi, comme c'est une planète vivante, c'était pour ça que c'était un peu lié à tout le délire des Yuuzhan Vong. Et apparemment, les créatures qui vivaient ici, il y avait, un vaisseau vivant. Un peu justement, c'est tout le délire des Yuuzhan Vong, ils veulent pas la technologie, ils veulent que des trucs biologiques, qui apparemment était le vaisseau le plus rapide de la galaxie, et ça aussi je serais bien curieux de voir ça. Ce qui est bien maintenant, c'est que s'ils veulent ramener les Yuuzhan Vong, au lieu de faire des trucs dégueulasses hardcore là, et ben ils peuvent juste les faire chevaucher des Purgils, et puis voilà, ils ont leur créature. Ouais, tiens, un petit voyage entre planètes à d'autres Purgils. Tranquillou. Hmm. Moi, sinon, j'aimerais bien voir à quoi ressemble l'Irasan, parce qu'on n'a pas. C'est la planète des Lassats, là où il y a Zeb. Ouais. Du coup, on n'a pas vraiment vu à quoi elle ressemblait au final, mais ça doit être sympa. Mais sinon, si t'aimes bien parler des entités cheloues, tu peux aller sur Mortis aussi. Hein. Là, je croyais qu'il allait dire ça au début. Mortis, ça peut être sympa, comme dans le genre destination un petit peu chelou, religieuse pété, enfin, retraite spirituelle. De lequel tu risques mais de c'est pas chaud, revenir. Les gens, les deux, là, le les problème, enfants, ils se pètent la gueule tout le temps. Ouais, le problème, c'est que tu peux pas ramener de souvenirs, ça, c'est un peu chiant. Littéralement. Tu sais quand tu pars en vacances, mais quand tu reviens, bien après, bon. C'était bien tes vacances? Non, c'était comment tes vacances? Hein? Je sais pas. Quelles vacances? Si tu veux parler à des entités cheloues en vacances, bah, du coup, pour le coup, tu vas sur Coruscant, tu vas dans les bas quartiers, et il y a un mec, genre un touriste, qui est genre, ah, les bonnes gens! Ah ouais, ça, tu vois pas partout, tu vois pas ça partout dans la galaxie. Là. Ah putain! J'imagine, tu vas finir en slip au fond de l'allée, quoi. Il sera quand même content. La tête dans une poubelle. Ah, oh, qu'est-ce que vous êtes folklorique! Rageux! Mais au moins, il y en a un qui s'amuse en vacances, voilà. Hein. Tu passes toujours des bonnes vacances. Ah bah. Comme dit, ça lui fait des souvenirs. Ça serait trop drôle de partir en vacances tous ensemble. Et juste pour finir sur les trucs un peu qui te retournent le cerveau, les mondes entre les mondes, est-ce que c'est une bonne destination de vacances? Disons que t'es peinard. Enfin... Ça a pas l'air terrible. Hein. Déjà, les restos, ils ont l'air nuls à chier, ils sont jamais ouverts. Par contre, des fois, ils s'ouvrent et t'as juste un vieux mec chelou qui essaye de te choper. Ouais, c'est vrai. C'est pas ouf. T'ouvres une porte parce qu'elle brille et t'as ton pire souvenir dedans. C'est ça le problème, c'est que si tu veux trouver les chiottes, c'est la merde. Quoi. T'ouvres une porte. Ouais, faut essayer toutes les portes. Tu veux trouver 3000 ans plus tôt. Il ouvre le frigo, c'est l'enfer. Non, mais clairement, ils ont pas inventé les pictogrammes. Ouais. Ça coûtait quoi de coller des étiquettes sur la porte? Ils ont pas de bons graphistes. Alors, en plus, déjà, pour y arriver, c'est galère, la route. Hein. Faut parler à une peinture, mais c'est chelou. Et moi, perso, c'est toute ma liste. Bah, c'est très bien, parce que je crois que personne d'autre n'en avait fait. Est-ce que Funelli avait encore des trucs? Non. Dans le monde entre les mondes. Ah merde. Non, je sais pas, dans genre destination pour faire la teuf, il y a genre Nar Shaddaa aussi. Après, là aussi, tu peux, dédicace pour Adrien, là aussi, tu peux aller dans les quartiers, dans les quartiers folkloriques, hein. La ville est un quartier comme ça, en fait. Ben voilà. Non, après, Nar Shaddaa, c'est plus ambiance néon et tout ça, ouais. Et pour lui, c'est une aventure, hein. Ouais. Ils ont des arbres holographiques, c'est trop cool. Après, faut bien parler le tease, mais sinon ça passe. Disons c'est Coruscant, mais tu retires tous les commerces légaux. Ah ben on peut pas acheter des nouveaux sets alors. Oh mon dieu. C'est ça, moi au début j'avais compris le Lego dans ce sens-là aussi. Je viens de l'avoir. Au début quand t'as dit faut enlever tous les commerces Lego, je me disais pourquoi il y a pas de boutique Lego sur l'achat. J'en ai marre. Et puis d'ailleurs, il y a personne en parlant de trucs de villes et de trucs un peu cracra. Il y a personne qui a parlé de Corellia aussi. Bah non, c'est trop cracra. Ah bah on parlait de Dunkerque tout à l'heure, mais. Ouais, voilà, là on y est bien là. C'est vrai. Là pour le coup, j'irai pas en vacances à Corellia. J'aime beaucoup Corellia, mais je pense pas que j'irai en vacances là-bas. Quoi. Les seuls trucs à visiter là-bas, tu sais, c'est les musées des usines. Un peu comme quand on va visiter les mines fermées, les anciennes mines de charbon dans le nord. Genre quand tu vas à Limoges et que t'as les musées de la porcelaine, tu vois. Corellia, c'est encore trop propre pour moi. J'avoue. Mais Corellia, tu trouves pas ça un peu pittoresque, Adrien? Pas assez à mon goût. Alors moi c'est assez pittoresque, moi j'aime beaucoup mais j'irai pas en vacances. Pour moi Corellia c'est un peu la station service qui pue la piste sur laquelle tu t'arrêtes pour faire le plein pour que tu vas en vacances. Ouais mais pour Adrien, en fait si tu veux, pour Adrien, si quand tu repars t'as encore tes deux reins, c'est pas assez pittoresque. C'est pas assez réaliste. C'est absolument l'idée. Sinon tu veux vraiment t'as pas assez profité de tes vacances. Si tu veux vraiment être tranquille dans un endroit isolé, t'as Lamu aussi, qui est l'endroit où vivait Jean. Ah quoi, bah justement, avec, je voulais finir avec ça. En Islande, je pars en retraite là-bas, vous me voyez plus, allez, ciao. Quoi. Je me construit une cabane. Allez, là-bas. Bisous, je m'envole. je vais devenir fermier en Islande. Il me semble que ce sera plus les couilles. Mais non, ça a l'air vide, par contre. Ça a l'air ouais, vide, ça et a l'air par calme. Contre, il y a écrit que c'est son sol riche et ses eaux souterraines sont contaminées par des minéraux et d'autres éléments. Bah, génial. Non, et peut-être que c'est contaminé dans le bon sens du terme, tu sais pas. Ouais, peut-être qu'ils ont juste pas mal choisi là. Ouais, mais attention, parce que dans Star Wars, sur une planète, t'as pas le droit d'avoir deux biomes différents. Oui. Ben, sauf, justement, sauf sur Naboo, qui en a plusieurs. Okay. Genre, ils ont droit à Venise, ils ont droit au champ italien, ils ont droit à une petite partie d'Espagne, et surtout, ils ont aussi des marais. Ouais, j'avoue, c'est genre, c'est ok, il y a une ouais, planète. C'est la plus grosse, c'est le plus gros niveau de diversité. Sinon, t'as les planètes villes, t'as les planètes de neige, t'as les planètes de désert, t'as les planètes de forêt. Planète poubelle aussi. Ouais, ouais, ouh, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a envie de faire une conclusion? Sauf s'il y en a qui ont encore des idées. Non, je crois que j'ai fait le tour. Non, pour moi, j'ai fait le tour trucs. Aussi. J'ai hâte de partir maintenant, je vais aller faire ma valise. Ouais, ben, justement, et vous, chers auditeuristes qui nous écoutez, quelle serait pour vous la meilleure destination de vacances dans l'univers de Star Wars où vous aimeriez aller passer une ou deux semaines? Pas forcément en été d'ailleurs, parce que tu peux aller passer tes vacances d'hiver, faire les bronzés, fond du ski. N'hésitez pas à nous le dire, parce que ça nous intéresse, parce que c'est toujours très rigolo d'avoir plus d'idées de planètes mortelles pour passer ses vacances. Adrien en a pas assez là, il est pas refait encore. Et Adrien, imagine, il veut des sensations fortes. Imagine, on demande aux gens où est-ce qu'ils veulent passer leurs vacances dans Star Wars et on n'a même pas parlé de Galaxy's Edge. Ben, moi, j'ai pensé à parler de Batuu, mais je n'ai pas trouvé. En fait, je trouve. Enfin, le concept de la planète, je la trouve pas terrible. C'est très drôle parce qu'on nous vend un peu le truc comme quoi tu montes à bord d'un croiseur. Enfin, si tu as la thune pour payer l'hôtel, hein, on te fait monter dans un croiseur qui part pour Batuu, c'est censé être un truc super luxueux, voilà, de justement de croisière et tout. Mais je veux dire, mais qui irait à Batuu en vrai? Ouais, c'est pas terrible, hein, Batuu. C'est un ouais. Pauvre avant-poste au fond de la galaxie, il y a une dizaine de pécores et puis un rad. C'est pas une destination touristique de base, quoi. C'est ça que je trouve ça assez drôle. Ils en auraient fait Naboo. Ouais, c'est random, quoi. C'est un peu planète au pif, quoi. Bonjour, c'est Star Wars. Quand tu fais tourner quand tu fais tourner un globe et que tu pointes avec une épingle et tu dis bon bah ok, on va là-bas et genre c'est tombé sur Tourcoing, bah, tu vois. En fait c'est tout ce qu'on et c'est à 30 km de chez toi. Voir, je pense de ce côté-là, c'est sûr, enfin c'est un peu ce que t'as envie de voir de Star Wars en vrai, mais c'est clairement voilà, oui, c'est une planète de schlag classique de Star Wars, ça, c'est crasseux, c'est un peu rétro. Enfin, là, par exemple, Adrien, il est super chaud, il a trop envie d'y aller, quoi. Lui, il va aller claquer toute sa thune dans le bar, se faire arnaquer, finir en slip dans la rue. Enfin, ça, c'est tout, tout ce qu'il aime, clairement. Mais voilà, ouais, c'est vraiment, c'est un petit peu générique, quoi. Oh, qu'est-ce que je fous, hein. Oh, putain. vous pouvez nous retrouver sur Twitter @FauconPod, sur Facebook @FauconMillennial, sur toutes vos applis de podcast. De toute façon, si vous nous écoutez, vous êtes déjà dessus. Et évidemment, sur le site internet magnifique qui a été fait par notre cher amour, le meilleur péteur de toute la galaxie, Matt, qui est FauconPod.fr. On se retrouve la prochaine fois. Alors, passez bonnes vacances et que la force soit avec vous. Ciao. Salut. Bye. Salut. Bye.